hypocrite, je leur fais du mal et je leur fais la bise. Double visage, je rentre au GMR, je rentre à l'église. J'ai deux téléphones, pour la famille, deuxième pour l'église. Maman n'est pas fière de son fils, elle a trouvé de la coke dans la poche de son jeans. Des allers-retours en prison, je t'en parle pas. Je te tape la bise, mais t'es pas mon poteau, t'emballe pas. Toujours dans le tech, toujours dans le tech, toujours dans le tech. J'ai des connaissances dans ma vie, en garde à vue, on m'a livré du tchèp. Dans un coin de ma tête, j'ai l'oseille. Tu la sniffes, elle est bonne, elle est saine. Tu la goûtes et tu me fais l'ancien. Ma gueule, elle est coupée au sel. Ils font les voyous, mais c'est v'là les menteurs. Ils font les mecs bien, mais c'est v'là les vautours. On les enterre, je baiserai leur sœur. Aller-retour, aller-retour. Marseille, Alicante. Maman m'a toujours dit, rien de toi qui tu fréquentes. Des clients dans la tour, plus d'une heure d'attente. Je te laisse faire tes calculs, frérot, mais ta sœur c'est ta tante. Ah. Allez, retour à l'école, prends ta balle. Je m'arrêterai peut-être à faire fille, oh là là. Allez, retour à l'école, prends ta balle. Allez, retour sans permis, et je rentre. J'ai de la frappe validée, validée. J'ai de la frappe validée, validée. J'ai de la frappe validée, validée. J'ai de la frappe validée, validée, validée, validée. T'as pas cru en moi, t'as dit que j'étais fou, que j'avais aucune chance. Estimé, ma Machiavelli, mon intelligence. À l'époque j'avais R jusqu'à commentaire. Je remercie Maurice. Je fais de l'argent mon ami, je me couche à Hervé, je me lève à Venise. Je porte mes couilles quand je touche un crochet. J'ai peur de la mort. Les femmes sont des traîtres mon ami, à part la daronne. J'ai peur de l'amour. Faut pas qu'on m'invite, j'aime pas trop les filles. J'aime trop dire non. Je vais tiquer ta mère, je vais te laisser par terre sans étirement. Dépêché par-ci, dépêché par-là. Ah là là. Bagarre dans la cour, on se sent sous la douche. Pas la fralalam. Je voulais sortir de Toll, mais la juge m'a dit Woody lalala. Il voulait me faire, maman fait Dohan. T'as que la loi. Aller-retour, Marseille, Alicante. Maman m'a toujours dit, rien de toi qui tu fréquentes. Des clients dans la tour, plus d'une heure d'attente. Je te laisse faire tes calculs, frérot, mais ta sœur c'est ta tante. Ah. Aller-retour, Alicante, prends ta balle. Je m'arrêterai peut-être à faire pire, oh là là. Marseille. Ah.